tu regardes ce qui se passe, je ma fenêtre. Enfin pitch, le monde a changé, tout est devenu sophistiqué. Ils nous vendent du rêve dans leur publicité, des belles plages de sable fin et des seins siliconés. Divertissement abusé, fuck la télé-réalité. Où sont passées les vraies valeurs que les anciens nous ont laissées? Papi, je comprends que t'es dépassé, la technologie est trop poussée. Ma jeunesse en mode FBI, Black B. En soirée, c'est shit sky, fonce des, j'fais date pour oublier. Qu'entre eux et moi, bah y'a bien plus qu'un fossé. La France, un pays de chauvin, à force de me gratter la tête, bah j'crois bien que j'vais devenir chauvin. On bouge, bouge, on est la France de demain. Faut que ça tourne, tourne, vas-y donne-moi un coup de main. Mec aujourd'hui on est là mais t'inquiète on reste droit. Laisse pas les bras pour ma jeunesse, on kick ça, écoute ça. On bouge, bouge, on est la France de demain. Faut que ça tourne, tourne, vas-y donne-moi un coup de main. Mec aujourd'hui on est là mais t'inquiète on reste droit. Laisse pas les bras pour ma jeunesse, on kick ça, écoute ça. Si les choses ne changent pas, les gens ne changeront jamais. Les billets nous remplacent parce que le futur nous promet, okay. Aujourd'hui ils veulent juste que nos vies aient un goût amer. Alors ils s'étonnent pas si toute leur loi elle pue la merde. Si il faut que j'avance en faisant des trucs malhonnêtes, je m'arrêterai pas pour avoir qu'un seul salaire net. Ça fait un bail, mais aïe, j'ai la taille pour prendre le rapport revers, avoir le retour de la médaille. Le chômage a atteint la 5ème parce que les MC n'ont pas les comptes de la DEM. Ils veulent croquer, ils veulent toucher du bois, à croire que peut-être un jour on verra l'argent tomber du toit. Mec, t'as le seum, j'ai tout ce que tu n'as pas. L'ambition m'a donné des ailes pour être ce que tu n'es pas. Pas, pas, pas, pas, pas. Calico, c'est pour les vrais, ok. On bouge, bouge, on est la France de demain. Faut que ça tourne, tourne, vas-y donne-moi un coup de main. Mec aujourd'hui on est là mais t'inquiète on reste droit. Laisse pas les bras pour ma jeunesse, on kick ça, écoute ça. On bouge, bouge, on est la France de demain. Faut que ça tourne, tourne, vas-y donne-moi un coup de main. Mec aujourd'hui on est là mais t'inquiète on reste droit. Laisse pas les bras pour ma jeunesse, on kick ça, écoute ça. Fixo, Calico, Verbal Production. C'est quoi les bails mec? Pour tous ceux qui représentent. Aïe aïe aïe.